Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission de Travail à cœur. Je suis Marilyn Gomez et c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire en exclusivité sur Radio Cause Commune. Le thème de cette émission est les femmes et la violence au travail, prévenir et reconstruire. Jean-Claude Delgène, est-ce que les violences au sein du travail ont augmenté ou pas ? Sont-elles liées aux nouveaux modes de management, au numérique, au tout va vite ? Ou l'outil numérique n'engendre-t-il pas une nouvelle forme de violence ? Il y a plusieurs questions auxquelles il faudrait répondre et qui sont intéressantes. Ce que l'on peut dire, c'est que au cours des dernières années, il y a eu une prise de conscience qui n'est pas suffisante, hein, mais qui est en marche et qu'il faut encourager pour faire en sorte que ces dérives ne puissent pas perdurer. Bon, donc on a effectivement beaucoup de, encore une fois, de problèmes. Hein. Les problèmes tiennent à la fois en termes de comportement des uns et des autres, par manque d'éducation, par machisme aussi, il faut dire les choses comme elles sont, mais aussi en termes organisationnels et managériaux. Hein, il y a des, on va peut-être en parler, mais il y a encore une profonde inégalité, tant en termes de salaire pour le même travail exécuté, qu'en termes de promotion, qu'en termes de différents avantages qui peuvent être octroyés à poste identique aux hommes et aux femmes. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je ne pense pas que l'on pourra traiter réellement jusqu'au bout des problèmes d'ordre plutôt comportemental si on n'arrive pas à traiter les problèmes d'ordre organisationnel et managérial. Il faut donc traiter simultanément. Traiter, ça veut dire aussi réprimer hein, des comportements qui n'ont pas lieu d'être au niveau des entreprises, comme ça a été précisé par Françoise Maréchal sur le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, les outrages, les agissements sexistes, etc. Toutes ces problématiques, on va peut-être définir un peu plus, mais qu'il faut effectivement réprimer au sein des entreprises. Alors, il y a toute une action, on va en parler, à déployer au sein des entreprises, mais simultanément, il faut faire en sorte de reconnaître réellement à égalité les compétences de chacun au-delà des sexes, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse, c'est le slogan que tout le monde connaît, à travail égal, salaire égal, faire en sorte qu'on rétablisse, au-delà de la question de la maternité, parce que c'était un vrai sujet, des conditions pour permettre aux femmes de s'accomplir au niveau professionnel. Et à partir du moment où on aura réglé ces problèmes d'égalité homme-femme, où on aura fait vraiment significativement des avancées qui restent à faire, hein, on est encore loin du compte, même si des choses intéressantes se sont faites dernièrement avec l'instauration de l'index égalité homme-femme, sur lequel, même s'il est perfectible, moi je reste, j'y suis très favorable, on va en parler. Bon, donc il faut traiter ces questions d'égalité homme-femme et simultanément réprimer les dérives, et ce faisant, nous ferons des progrès. On ne peut pas simplement se contenter de réprimer des problématiques au sein des entreprises, des associations, du monde, du service public aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup à dire, on critique beaucoup les employeurs, etc., enfin, mais il y a beaucoup à faire aussi au niveau du service public.